bien être présent, histoire de s'assurer qu'il y en a toujours au moins deux sur le stand à un moment donné. Enfin, le jeu, c'est de découper les trois jours du salon en six demi-journées et de vérifier que sur chaque demi-journée, il y ait toujours au moins deux adhérents. Comme ça, il y en a un qui peut partir faire un tour, aller pisser, aller manger. Et il y aura toujours quelqu'un sur le stand de Tarimus. D'accord. Ça me paraît assez raisonnable. Voir si on pouvait prévoir de la bouffe. Animer le stand, quoi. D'accord. Ça va arriver, c'est dans un mois, hein, sur le souligné. Oui, c'est ça. Je sais même pas encore si je vais être complètement disponible pour le... Qui compte y aller, toi Emmanuel Chacun. Oui, forcément. Oui. Ça tombe en semaine, je crois. Mardi, mercredi, jeudi. Alors, étant donné l'état actuel du bureau, vous ne pourrez pas vous débloquer. Moi, je ne sais pas. Donc, si rapidement on pouvait savoir... Je ne sais pas si j'ai un job. Je veux bien faire une journée ou deux. Oui, enfin, si tu trouves un boulot le premier du mois, ça m'étonnerait qu'on te file les trois premiers. Non. Les 16, 17 et 18 en plus. Ça m'étonnerait, ça m'étonnerait aussi. Ça m'étonnerait, de toute façon, j'irai au boulot, ça c'est sûr. Là, on peut se trouver un boulot comme hôtesse d'accueil sur le salon. Non. Non. T'as reçu un mail. Merci. Le compte rendu. Super. Merci. Donc, ça c'est une chose. Les années précédentes, c'était toi, Paul, qui t'as occupé du salon Oui. Oui, comment tu procédais J'ai demandé aux gens et ils répondaient. Mais c'est organisé sur le milieu wiki, donc... Donc tu avais juste envoyé un mail à la liste adhérents en disant « Coucou, on a besoin de votre aide » et... Oui. Mais il faut faire une qualification aussi avec un outil. Même pas, non c'est... Oh, bah, donc je prononce pas le nom, puisque des fois il n'est pas autorisé. Mais il est autorisé dans d'autres associations, mais pas ici. Mais... Ah, mais 12 heures, ça peut être... Ah, le truc. Tant que c'est pas votre bloc, non, mais tu sais, tu peux dessiner un tableau sur le wiki. Avec un wiki, ouais. Doodle, ça prend vraiment une seconde. On peut faire un sondage papillon. Puis après, c'était une feuille de tableur. Puis après, c'était une feuille de tableur, quoi, une fois que... Non, mais bon, peu importe. Là, j'ai une feuille Excel, donc. Pas Excel, non. La question c'est le stand, c'est pour quoi faire, enfin quel type de public, c'est pour passer quel message. Enfin c'est le présent sans vous. Je suis jamais allé à Paris. Il y a les potes. Il y a les autres potes des autres associations. Mes enfants. Et mercredi il y a quelques enseignants. De temps en temps, il y a 2-3 égarés. Enfin, c'est quand même un peu plus que ça. C'est, enfin, si je ne me trompe pas, c'est le moment où on renouvelle une partie de nos cotisations. Oui. Déjà. Typiquement, donc c'est ne serait-ce que pour ça, c'est important d'être présent. La moitié des, enfin, allez, un tiers des cotisations sont renouvelées à l'AG, un tiers des cotisations sont renouvelées salon GNU Linux, et un tiers des cotisations le reste de l'année. Donc c'est important d'y être. C'est le moment, c'est un des moments dans l'année où tous les groupes d'utilisateurs locaux se retrouvent avec les RMLL. Donc ce serait quand même très mais bête. Non, mais toute la réponse, c'est que ce n'est pas à destination forcément du public, où il n'y a pas de sensibilisation. Ben, ça devrait. Mais... C'est plutôt du réseautage. Ça devrait. Mais... Le public site de Tarsus, donc les organisateurs de solutions Linux, c'est les décideurs pressés, même les décideurs non pressés. C'est pas crédible, t'es pas pressé que les décideurs, c'est pas crédible. Ouais, les bof. C'est trop efficace pour être décideur. les DRH, les DSI, etc., ce public-là. En pratique, le salon est ouvert à tout le monde et on trouve tout un tas de grands publics qui viennent passer une demi-journée et discuter. Ils tournent beaucoup du côté du village associatif, pour des raisons qui sont évidentes. Cela dit, l'activité de réseautage avec les GUL n'est pas forcément complètement inutile parce que c'est aussi le moment de monter des projets un peu loufoques qui... Il y a deux ans, on avait réussi à réunir les présidents des 5 groupes d'utilisateurs d'Île-de-France. Et honnêtement, je crois que c'est la dernière fois qu'on a réussi à faire ça parce qu'on a tous des disponibilités qui sont à géométrie variable. Voilà, l'année dernière, ça avait été aussi l'occasion de, comme c'était en plein le débat sur la loi pour la création Internet, de faire un des soirs une charrette vers l'Assemblée nationale. On s'était retrouvé à plus de 70 dans les gradins de l'Assemblée nationale. Il y avait plus de l'Assemblée, c'est ça? Ils ont pris peur sur le coup quand même. Mais bon, voilà la raison de. Enfin, une des raisons de la présence de parler. Je ne sais pas si vous avez lu sur la mailing list adhérent, j'ai renvoyé, je pense avoir fait, une proposition, ta proposition, Vincent. Oui. Qui, moi, me plaît particulièrement. Les enfants. Bah, en fait, je laisse Vincent dire ce que c'est. À l'origine, c'est Sébastien Dino de l'APRI, enfin, sur de l'APRI des ondaires, qui m'a écrit en me disant... Il y a un gars de PostgreSQL qui a vu que la prise était réunie à FPH et qui m'a demandé si la FPH pouvait accueillir l'AG de PostgreSQL, sachant que c'était 30 personnes, un soir. Et je lui ai dit que moi, un soir de solution Linux, ça ne posait pas de problème. Et là-dessus, ben, en discutant avec lui, je me suis dit, ben, finalement, quitte à être mobilisé un soir, d'une part, on a 3 salles, et d'autre part, je suis prêt à être immobilisé 2 autres soirs ici. Et ça peut être un lieu d'après-salon. Enfin, dans l'idée de. Comme vous dites, il y a plein de GUL qui sont là. Enfin, c'est un peu comme les RMLL. Hein. C'est vrai que c'est un rendez-vous annuel de gens. Et c'est vrai que je pense que. Ma question, c'est est-ce qu'il y a beaucoup de groupes qui en profiteraient bien pour discuter, et donc c'était leur proposer ce lieu le soir, donc après le salon, et puis après 21h, ils peuvent continuer avec les Bastilles, on s'en caille la guerre là. Et donc, moi j'étais prêt à tenir la boutique les soirs d'après salon pour accueillir. Bah, ça peut, au coup là, le poste réseau c'est des 30 personnes, donc c'est dans la grande salle, mais. Il y a 2 salles côte à côte, très bien continuer. Voilà, je connais pas très bien l'événement, je me posais la question du caractère communautaire, mais j'ai l'impression, comme vous dites, qu'il y a beaucoup de gens qui en profitent pour être sur Paris. Donc c'est vrai qu'avoir un lieu calme pendant 2 heures, ça peut être utile pour des gens. Donc moi, ma position, c'est de dire je suis prêt. Simplement, pour voir sous quel... Vincent, Esseman, il ne peut pas... Oui, il ne me met pas parce que moi... Il ne peut pas tenir le stand, il ne peut pas tenir par minute. Ah oui, pardon, j'étais... En couverture nationale. Oui, excuse-moi, j'étais en train de... Donc mon idée, c'était qu'il fallait passer l'information... Et autant le faire sous un parrainage en disant que très bien, Parrainux et la FPH vous accueillent le soir pour les après-salons. Et, voilà, parce que, après, pour diffuser l'info, on n'avait pas. Je sais de toute façon pas où mettre l'information et comment coordonner ça. Oui. Voilà. Tout, Ensuite, faut qu'on se décide rapidement parce que c'est, ça veut dire être, ça veut dire qu'on pour trouver une contrainte. Il y a PostgreSQL qui t'a déjà demandé. Est-ce qu'on fait une annonce pour demander s'il y a d'autres gens qui ont envie de... Oui, c'est ça, c'est faire une annonce, mais je ne savais pas quel était le meilleur canal. Mais moi, ce serait bien de dire une annonce faite par Linux, si vous paraissez pas mal. Ce serait sur Intergul. Moi, je suis plutôt favorable à ça. J'ai envie en plus de profiter éventuellement de discuter avec d'autres animateurs de Gul pour savoir un peu qu'est-ce qui fait vivre leur Gul à eux, savoir un petit peu comment nous on peut aussi vivre, qu'est-ce qu'on peut proposer, est-ce que c'est le bazar partout ou est-ce qu'il y a que chez nous où on n'arrive pas à se renouveler. Donc, il y aurait deux salles à disposition. Deux salles, tu dis plus la cuisine. Plus éventuellement. Tu t'en parles pas. Hein. Non, mais c'est plus en vue d'une troisième salle parce que tu as une grande table où tu peux te réunir encore. Tu peux bien te réunir. Pourquoi t'en parles? Je veux dire que... Non, mais au pire, il y aura un quatrième groupe, je pourrais les mettre à un étage. Quoi. Mais... Alors, bon, ce qu'il y a, c'est qu'on ne peut pas accueillir deux événements de 50 personnes. Les salles qui sont derrière, c'est ça? Oui, je vais faire cette salle-là, et puis... On peut dire... Ça serait trentaine de personnes, quoi. Qui se charge de faire l'annonce sur... Il y a une trentaine de stands à solution Linux, c'est tout. Une personne par stand, si j'ai bien compris. La question que je me posais, mais j'attends le retour d'Emmanuel, est-ce que vaut mieux le faire sur Interlug, avec le risque de toucher des gens qui viennent pas? Parce que où est-ce que Emmanuel, est-ce que tu as toi les adresses mail de tous les gens qui viennent, enfin de tous les stands qui viennent au salon? Ah non, moi j'ai. Toi t'as rien. Moi j'ai les coordonnées d'un responsable pour chaque stand. Oui, ou d'un responsable pour chaque stand. Et la personne qui je vais donner des coups de batte de baseball si jamais il se passe quelque chose sur son stand. D'accord. C'est déjà pas mal. Est-ce que ça te dérange d'envoyer un mail à tous ces responsables de stand, ouais, en leur disant que Paris Linux et la FPH se sont associés pour leur permettre de voir une salle pour continuer des réunions Pas de problème. Pas de problème. Donc, je peux dire que PostgreSQL FR aura son AG. Justement, ici. Voilà. Hein. D'accord. Ok. Histoire de montrer les points. Voilà. Donc l'idée, c'est que si d'autres veulent pouvoir discuter. Et que... on donne la date de leur... Tu as déjà la date pour PostgreSQL? Non, parce que ce n'est pas encore confirmé. Enfin, c'était tout nouveau, donc j'ai pas. C'était un des trois soirs. Donc, D'accord. Voilà. Qu'est-ce qu'on. Ah oui, comment ça se passe au niveau? Comment ça s'est terminé à quelle heure la solution à Linux? 18h. Général, le mercredi, il y a une nocturne. Il y a une nocturne jusqu'à 20h le mercredi. C'est à partir de 19h. C'est un peu les mêmes horaires. Le mardi, Paris, juste à 19h, 21h30. Oui, c'est ça. Enfin, on dit 21h et puis pas de problème. Il y a les Agora qui font une bourse. D'accord. Le coupon de 20% de réduction, ça marche sur le RER. Donc, qu'est-ce qui prend l'organisation de la Donc, la première question, c'est quelle date butoir pour demander à faire quelque chose ici. Quelques jours avant, je pense. Oui, moi j'ai envie d'aller. C'est toi pour que ça concerne. Non, moi j'ai réservé et puis ici. Oui, pour ici. Alors déjà, qu'est-ce qu'on leur dit? Parce que je dis une seule raison. J'envoie un mail pour dire si vous avez envie de faire quelque chose, vous pouvez le faire ici. Hein? Je reçois 4 demandes pour le même soir. Je fais quoi? Dans le public, il y a 3 demandes par soir. Il y a 3 possibilités par soir. Je me retourne vers Vincent pour lui dire. Mon avis, c'est ça plus simple. Trouve un moyen. Bon, j'ai. Dire que c'est le premier arrivé, premier servi. Sachant que PostgreSQL a une priorité, puis c'était le premier demandeur. Oui. Donc, et ensuite, il faut décrire, on trouvera une solution. Non, tu veux dire dans le message, bon, s'il y a une très forte demande, on statuera. C'est vrai qu'on ne sait pas très bien si ça va marcher ou pas. Donc, il faut juste dire, c'est que. Il peut y avoir que 3 fois un groupe de 30 personnes. Oui. Après, si c'est des groupes de 10, ou même de 6 ou 5, je peux très bien ouvrir un étage, il y a une petite salle de réunion, on peut très bien se mettre. C'est-à-dire qu'il peut y avoir que 3 groupes de 30, ça c'est une trentaine de personnes. Et puis, des petits ateliers. Moi, au début, c'était ça l'idée, j'accueille 30 personnes, je peux très bien en accueillir 10 là et 10 là. Oui, tu mets 30 personnes ici, 10 dans la salle qui est là. Voilà, 10 dans la salle. Donc c'est ça. On dit dire qu'il y en a 3 de 30, donc 3 en poste de SUL et puis éventuellement des petits bouts. Ce sera une semaine sur le 13 et le 14, il y aura l'AG de Wikipédia, le Média Wiki France, qui se tiendra ici. Donc, aucune idée. D'accord. Bon. Responsable du stand, c'est-à-dire de la coordination, de la documentation, etc. Moi, pour pas moi, je te dis tout de suite. Alors, je veux bien m'en charger avec le bémol que je risque, dans le meilleur des cas, je risque d'être. C'est organisé, hein, c'est pas forcément présent. Voilà. Oui, non, tu peux très bien gérer. La coordination sans être présent le jour. Voilà, alors sachant qu'ensuite je pense quand même que je pourrais être présent le mardi et le mercredi soir. Très bien. Donc, mais je veux bien me charger justement de faire les relances et. Non, parce qu'il y a à établir la documentation, il y a plein de trucs à faire. Faire toutes les impressions. Voter pour moi et adhérer. Voilà, c'est pour. Adhérer et voter pour moi. Non, c'est ordre là, c'est bon. Est-ce que vous faites appareil mix? Est-ce que. Est-ce qu'on a le temps de. D'ici le salon, de refaire un petit. Une petite feuille à 4 avec nos. En reprenant les éléments du bilan moral, avec ce qu'on a fait l'année dernière, et ce qu'on prévoit plus ou moins cette année, est-ce que quelqu'un veut s'en charger? Est-ce que quelqu'un. Ah, c'est déjà. Non, je donne deux idées comme ça et puis je me les colle. Si je peux le faire en ce moment, oui. Bah, si t'as le temps, faut pas que ça vienne inquiéter sur le reste de ton boulot. Hein. Voilà, là j'ai pas de boulot en ce moment, puis bon, bah, si c'est dans la semaine là, j'ai pas de CNAM non plus, vu que c'est les vacances du CNAM. si je peux le faire cette semaine, cette semaine-ci et un peu la semaine prochaine, oui. Bah, je pense que ça va aller. T'essaies d'en faire le maximum et puis tu m'envoies la semaine prochaine ou tu envoies la liste la semaine prochaine en partant du bilan moral qui avait été fait pour qu'on puisse présenter quelque chose d'un peu à jour sur les activités de l'année dernière et ce qu'on prévoit plus ou moins pour cette année. D'accord. Ok, alors, un bilan moral. On reprend le bilan moral. Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire sur le salon solutions Linux ? Ou c'est tout ? Est-ce qu'il y a la préparation à faire la veille ou pas ? Est-ce que c'est possible de venir installer les stands de la veille ou pas ? Il faut qu'il y ait au moins une personne qui passe la veille. D'accord. Vers deux les badges. D'accord, mais il me semble que, je ne sais plus, je confonds, on peut installer ou on ne peut pas installer. Même la majorité des gens installent. À partir de 2h de l'après-midi, je crois. Oui. À partir de 2h de l'après-midi. Les badges exposants cette année, comme l'année dernière, sont non nominatifs, donc je pense qu'il va falloir se farcir une deuxième série de badges. Avec le nom et la fonction de chacun dans l'association. Et pensez à faire des adresses email bidons sur notre serveur de mail. Oui. C'est une usine à ce point. Parfait. Non. Si, pour vous. Donc refaire des badges. Moi je peux récupérer les badges le lundi en fait. Alors ça c'est... d'accord. Parce que je suis pas sûre d'être là pour les trois jours, mais la veille oui. Oui d'accord, mais il faut être là le matin pour les filer. C'est encore faisable ça. Donc, j'ai une réunion chez moi le soir et le mardi soir et le mercredi soir. Je suis absolument. C'est le bout du monde depuis chez toi. Mais tu peux t'occuper de récupérer les badges et d'être là le mardi matin pour absolument, les passer au premier. Je peux le bon bah super. Je vais proposer. Il faut être là à 8h30, j'imagine, pour distribuer les badges. Non, il faut se mettre d'accord avec le premier arrivant. Oui, puis après, moi, je peux disparaître aussi. Voilà. Oui, tout à fait. Je disparais pas, j'ai prévu. Sachant que ce serait... je pense que ça commence le mardi, c'est ça, hein, Oui. Ouais, donc moi, je serai là. Je pense que normalement, je devrais arriver tôt le mardi. Je peux être là toute la journée, normalement. Mardi à 9h, il y a déjà des gens qui attendent. Oui, je sais, donc... On va attendre le bonheur. Le mercredi, c'est beaucoup plus calme. Petit détail, le lundi, donc, à quoi on se fait reconnaître ? Tu ne le fais pas. N'importe qui peut rentrer. D'accord. Oui, d'accord. C'est même un problème récurrent. Mais... Oui, c'est... Vol de portable. Parce que il n'y a pas une année où on s'est fait piquer des trucs. Si. Hein. Oh, c'est bien. Hein. Et toujours, il y a un petit peu de fourche tous les ans. Ah, mais tous les ans, il y a quelqu'un qui se fait piquer quelque chose. Est-ce qu'il y a un truc sur les places des stands ? Il vaut mieux être là avant, dès qu'ils installent les stands, parce que généralement les étiquettes des stands sont parfois permutées. Oui. Ça, c'est les mêmes. Le mardi matin, il y a des catastrophes. C'est aussi, pour ceux qui seront là au moment de ranger, il faut faire attention. Je crois que c'est l'année dernière où il y a un des mecs qui était en train de démonter qui a confondu le sac de Oops avec sa caisse à outils. Ah oui. Et donc, il partait tranquillement avec Oups sur l'épaule. Pas mal. Ouais. Et comme ça devait peser sensiblement le même poids, il n'a pas réagi. Il n'a pas indiqué plus que ça. Donc, ce qui est important, en fait, c'est bien marqué aussi. Donc, tout ce qui est matériel de l'association, il faudra qu'il soit édité. Il faut mettre une grosse étiquette par Linux aussi. Voilà. Et tout ce qui est matériel personnel, vous le surveillez avec la prunelle de vos yeux. Antivol absolument pour les portables. Antivol partout. Voilà. Qu'est-ce que les années précédentes, on n'apportait pas grand-chose. Cette année, on apporte pareil, rien. De la doc, surtout, du papier. Mais surtout de la doc. Des flyers à distribuer. Pensez au bulletin d'adhésion. Oui. Des portables, des ordinateurs portables. Montrer le site web et tout ce qui s'en suit. Le kakémono. Oui. Il est où? À la Villette. Il est revenu à la Villette. Il est resté 6 mois dans une salle EF. Le problème, c'est que les Villettes, justement, les premiers samedis, on a souvent pas le matériel. Donc, parce qu'il n'y a pas la personne pour ouvrir. Non, mais ça pourrait. On aurait mais il y a plein de trucs à régler sur les premiers samedis encore. Hein. Donc, récupérer les choses pour le passage rapide. Comment? Ça avance sur les premiers samedis? J'ai pas été aux deux derniers ou aux trois derniers, je sais plus, non, je crois les trois derniers. Le dernier était un fail. Dernier, on a commencé à 2h30, on n'a pas eu la salle ouverte. On a eu la salle ouverte, pas donc pas d'accès au matériel. Il faut le savoir et avoir soi-même, apporter soi-même des choses. Quoi. Et on a plus de contact de matériel dans la remise de la cité. Le but c'était qu'il soit disponible tout le temps, et là au final il est disponible. Mais il est rarement disponible le samedi en tout cas. Voilà. Ouais, mais c'est tout ce truc-là qu'il faut qu'on revoie à terme. Il est disponible le samedi. Je pense qu'il faudrait qu'on. Même pas. Ok, donc. Enfin, il est plus disponible depuis le départ de Laurent Pastito. Avant il était galère. Mais... Un laptop pas cher ou très vieux. Bon, bah, s'il est attaché, c'est pas gênant. Hein. Ok. Bon, bah, ça c'est bon. De temps en temps, il y a des questions techniques un peu pointues. Oui. C'est utile. Oui, c'est utile. Oui, hein. Non, mais c'est. C'est pas du luxe d'en avoir. Enfin, les autres en ont, mais d'en avoir un ou deux, c'est pas mal. Au minimum, un en tout cas. Il y a des questions plus techniques que sur les salons souvent publics. Ouais. Voilà. Oui, ça, il faut préciser ça. Oui. C'est pas du grand public, c'est du public averti. Oui. Il y a du public averti, il y a de la presse. L'année dernière, Thierry Sauvage et moi-même avions été interviewés par Linux Pratique Essentielle, ou je sais plus quel. Beaucoup de choses, oui. Donc il faut. Enfin. Pour les gens qui seront sur le stand, je leur donnerai avant, je leur réenverrai personnellement un mail avec. Pour leur redire ce qu'on fait, ce qu'est Parinux, etc. etc. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres choses où on peut passer au point suivant, enfin, ce que j'avais identifié comme point suivant, qui était qu'est-ce qu'on fait pour Libre en fait? D'abord, LOL. Non, pareil. Question stupide, on avait fait quoi l'an dernier? Alors, l'année dernière, on a fait notre deuxième fail à Pierrefitte. Ah, moi je trouvais que c'était non, c'était quand même bien passé. Non, ça s'est très bien passé de notre point de vue. Le fail était du côté de la mairie de Pierrefitte, puisqu'il y avait très peu de participants. En fait. Et cette année, on ne fait pas, Parinux ne fait pas Libre en fait. Alors ah bon? Oui. Non. Ne fais pas un livre en fait à Pierrefitte. Pierrefitte, voilà. J'ai discuté. D'accord. À Pierrefitte. Je comprends mieux. Oui, oui. D'accord. J'ai discuté rapidement avec Loïc Daillot, qui est donc de la mairie de Pierrefitte, qui bosse toujours à la mairie de Pierrefitte. Donc, qui m'a dit que cette année, l'espace public numérique @ avait décidé de rien faire. D'accord. Donc, ça, c'est un premier point. Ah oui, pas oublier, Vincent, quelles sont les dates à Nanterre? C'est le 4 avril. 4 avril, donc. On a fait le samedi. Voilà, donc c'est un peu plus tard, mais ça va venir aussi assez rapidement, cette histoire. On en parle juste après de ça. Oui, d'accord. Donc Libre en fait, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait quelque chose avec des gens comme Ubuntu FR ou pas, la mairie du deuxième? Est-ce qu'on essaie de faire quelque chose avec eux? Est-ce qu'on essaie de faire quelque chose estampillé par Linux? Est-ce qu'on fait rien? Quels sont vos avis là-dessus? si on peut donner un coup de main, je pense que... Donc je ne sais pas encore ce qu'Ubuntu décide de faire. Je sais que les années précédentes, ça n'a jamais été vraiment couronné de succès ce qu'ils ont, ce qu'ils ont fait. C'est flou, c'est-à-dire que... Ça, c'est l'effet Paris, hein, je pense, sur la région parisienne. Oui, je pense qu'il y a une telle agence qui s'est dispersée. Il y a beaucoup de choses à faire, juste avant. Redonne les dates, je me souviens. C'est autour du printemps, hein, donc 21 mars. Oui, c'est au moment des élections, c'est ça. Je viens de voilà. La région, en fait. Voilà. Donc voilà. Autour du 21 mars. Le thème, c'est les biens communs informationnels. Voilà, le site est toujours aussi picoulol. Désolé. Toujours aussi quoi, hein ? Il est à peu près aussi fourni que Libre Association. Pardon, Société Intro. Donc, je ne sais pas encore s'il y a déjà des gens qui ont publié des événements. Solution Linux, on a fait un article dans la journal du Libre. La dernière Historiquement, Tarsus, on a fait un. Oui, je crois que... Nous, on ne le fait pas, mais parce qu'il est fait par quelqu'un de plus gros. D'accord. Moi, je n'ai pas vérifié. Je n'ai pas vérifié non plus, mais normalement, il est... Mais là, il avait été fait. Il est peu par Donc, bon. Pareil, oui. Alors, comme solution, il y a, bien sûr, il y a la possibilité donc, de faire quelque chose à la cyberbase de la Villette. Le quelque chose restant à définir, ça m'a l'air d'être assez flou. Est-ce qu'on contacte, je sais pas, soit Ubuntu FR, soit Fedora FR, soit Mandriva FR, pour moi ça m'est complètement équilatéral, savoir si eux ils ont prévu quelque chose de leur côté. Mandriva, dans ce que j'ai vu tout à l'heure, j'ai rien vu sur Libre en fait. D'accord. Oui, alors l'inconvénient de Libre en fait, c'est qu'on se retrouve à faire à tout un tas d'associations, faire un truc chacun dans leur coin, et au final, il y en a une grande partie qui sont médites parce que personne ne vient, parce que tout le monde est occupé à organiser un autre. Ben voilà, c'est un peu le. C'est un petit regroupement. Ma foi, si on pouvait centraliser les informations. Peut-être une thématique, sur Paris. Une action. Une seule chose, présenter quelque chose. Ce qu'on peut faire, c'est essayer de proposer aux autres associations ils ont envie de faire quelque chose en commun. Enfin, si, déjà savoir si eux avaient prévu de faire quelque chose. On en revient toujours à quoi faire. Et faudrait donner un exemple de faire quelque chose. Quoi, de alors, quelque chose. Voilà, c'est ce que j'ai souligné de pomper comme information. Désolé. Le problème, c'est que personne n'a encore fait d'événements pour les... Libre en fait. Pour Libre en fait. Sur l'agenda du Libre, tu as un tag Libre en fait. Ouais, on va aller recomper ce qui s'est fait l'année dernière. Voilà. Sans vergogne. Ça serait sympa de faire quelque chose d'original, ou des démos, je sais pas. Trois démos. Alors, le thème, c'est les biens communs informationnels. Les biens communs informationnels. Je ne sais pas, une rétrospective des films de la Blender pour moi. Ouais, bien commun informationnel. Donc il y a un lien. Oui, pourquoi pas, il y a plein de films d'animation en fait. Il y en aura deux, mais c'est pas pour le troisième saut. Non, mais déjà. Il doit pas sortir. Il doit pas tarder à sortir. Bah, bien commun informationnel, ça regroupe des tas de choses. Hein. Ça peut être aussi bien être du contenu en ligne type Wikipédia. Ça peut être. Enfin, il y a vraiment des tas de trucs. Si ça ne peut pas à ce moment-là, ça peut faire un événement. Oui. Bah, faut. Il faut gratter sur les newsletters. Non, mais autant aller directement sur. Les. Ressources humaines. Oh, ça fait pas mal ça comme phrase. Vincent, tu m'enverras le modèle de ton commun. Comment ? Ton tableau, là. Ouais. Oh, c'est... Mais c'est... De faire ça les doigts dans le nez, alors... Oh, j'ai regardé la doc, hein, quand même, mais... Non, moi, je regarde jamais la doc. Enfin, c'est vraiment les doigts dans le nez. Oui, non, mais c'est assez simple à faire. Enfin, c'est pas plus compliqué que dans les autres... Et je peux récupérer l'info, ou... quand je fais edit, ou pas ? Ah oui, quand tu fais edit... Je fais un copier, ça. Oui, tu fais un copier-coller, tu te casses pas la tête. C'est pas compliqué, tu mets un accent circonflexe pour déclarer un titre de quelque chose et puis un séparateur pour séparer. Enfin, c'est vraiment bête. J'étais éberlué de cette magie. Encore plus simple que Wikipédia. Le problème, c'est qu'il va falloir se décider. Sur Wikipédia, tu as des séparateurs, tu as des points d'exclamation et des accents circonflexes. Donc bon, moi je veux bien me charger de contacter. Moi je peux. On aura le compte rendu quand là ? Tout de suite là ? Bah, tout de suite, sauf que je suis un peu en train de l'exploser sur 25 pages de wiki différentes, mais on peut. De mémoire, on peut récupérer toutes les pages de wiki qui ont été éditées à une certaine date, donc ça permettra comme ça de tout récupérer d'un coup. Et tu contactes qui ? Contacter les différentes associations, donc Fedora, Ubuntu, Mandriva. Est-ce que vous en voyez d'autres à contacter ? Fedora aussi, en fait. Oui. Alors, Wikimedia, je ne sais pas comment. Parce que ça peut être des choses, ça peut être. Je ne sais pas ce qu'ils ont prévu, s'ils ont prévu quelque chose. Parce que sur un thème comme ça, ça peut être des gens à. Je ne sais pas si sur leur AG une semaine avant, ils vont peut-être mourir d'en fait. Oui, ils vont peut-être être complètement morts. Je ne vois pas ce qu'il y a d'autre ensuite. Hop. Donc c'est un peu le bazar. L'autre événement qui va arriver après. Alors, je me permets une interruption. Ouais. Lundi, j'ai été contacté par un monsieur qui s'appelle Fred Engo, qui m'invite à la journée porte ouverte du lycée Saint-Michel de Picus à Saint-Mandé. Oui. Donc c'est à côté de Montreuil de mémoire. C'est à côté de Montreuil, c'est à côté de Vincennes. Oui, voilà. Ouais. Juste de l'autre côté du pont. Oui, alors j'ai été contacté aussi par un autre biais. Alors j'y étais allé il y a 2 ans, j'avais fait une conférence, ma conférence habituelle sur le pourquoi du comment des origines du logiciel libre. Donc le monsieur m'invite à nouveau. Est-ce qu'il te donne la date de sa journée non. ouverte ? Non. Pareil. Bon, on a exactement le même mail alors. Julia Buchner. Doit l'appeler aujourd'hui ou demain. Okay. Donc qu'on en saura rapidement plus. Moi j'ai répondu sur un autre canal que j'irai certainement à cette journée portes ouvertes. Il y a déjà. Et je me souviens plus. Ouais. Je me souviens plus si c'était un samedi un jour de week-end ou un jour de semaine. Je crois que c'était un samedi. Il y a déjà un certain nombre de personnes. Donc il y a a priori justement donc Julia Buchner de Mozilla FR qui est partante pour y aller. Quesh avait été l'année dernière. Donc il y a déjà des gens qui ont prévu d'y aller. Donc l'idée ce serait en plus d'en profiter pour montrer les bienfaits techniques en plus de l'évangélisation habituelle. Donc effectivement il y a ce truc là que j'avais oublié. Qu'est-ce que donc ensuite Vincent, si tu nous parles de ce qui est en train de se monter donc avec la mairie de Nanterre. Ouais. Parce que c'est en train de. Oui, bah, je fais une piqûre de rappel. Mais, oui. Donc ça c'est dans le cadre du festival Déclic qui a lieu à Nanterre. Je ne sais pas de quand il date le festival. Donc ça c'était un contact que j'avais eu en décembre et j'étais donc intéressé par les compétences de Parinux en matière d'install party et donc voilà et maintenant donc là je crois donc j'avais transmis au CA et ensuite le CA avait dit que Parinux était prêt à y participer et je crois que la dernière demande c'est un peu de combien de personnes seraient prévues. Voilà. Elle pensait à 5. Bon, ça, c'est peut-être à vous, ceux qui ont plus d'expérience de dire. Sachant qu'elle parlait, qu'il y avait trois personnes qui seraient de Nanterus, un nouveau dieu de Nanterre. Je pense que là, comme j'étais pas aux éditions précédentes, je sais pas comment sera la taille, mais vu comme par qui c'est organisé, je pense qu'il y aura du monde. D'accord, t'as aucune idée de la fréquentation pour le moment? Non, à la limite, il faudrait poser, poser la question à Lionel Alorge, parce qu'il avait fait une conférence à la dernière édition. Donc lui pourrait dire. C'est le 4 avril. Enfin, le samedi ou le 3. Ouais, le samedi. Il n'y a pas Starinux qui va aussi? Non, ils sont personnels non grata. Pardon. Ben, on n'a pas du tout parlé. On a oublié de les contacter. Ah, d'accord. Je crois qu'elle est allée sur le site de Parinux, elle avait vu la documentation. Alors, je me demande si c'était pas dans ce cadre de ce même festival que Richard Stallman était venu l'année dernière. Donc, certaines personnes de l'April avaient dit qu'il y avait un Luc Bien sur Paris qui s'appelait Parinux. Donc, je pense que c'est plus ou moins lié. Donc a priori c'est un gros truc, enfin si c'était déplacé, ça pourrait être un truc qui est pas négligeable. Ça peut être quelque chose d'assez intéressant. Bon, je sais pas où ça va se passer, mais la maison des... C'était dans la maison d'initiative citoyenne, ça? Oh, c'est un local mairie, c'est une ancienne caserne, donc c'est assez grand, enfin... Je ne sais pas si on parle du même événement, mais moi, quand j'étais allé voir Stallman, il me semble que c'était dans les locaux de la mairie. C'est possible. Alors, a priori, il faut faire attention parce que ça se déroule donc en même temps qu'un premier samedi. Enfin, ça se déroule un premier samedi du mois. Ah oui. Bon, il y a plein de choses. Parce qu'il y a un autre. J'ai vu dans le 20e, c'est à côté de chez moi. Donc, c'est Jeremy Zimmerman et puis conférence. Oui, mais c'est un nous, Jérémy Zimmerman. Qu'est-ce qu'il est connu? Mais il n'y a pas que lui. Il n'est pas venu tout seul. Non, mais. Donc, ok, il y a plein de trucs le 3 avril. Donc, on va essayer de se repositionner rapidement là-dessus. Ça vaut l'histoire de compter un peu. Savoir très rapidement. Moi, je vais vous promettre samedi, c'est sûr. Ouais, je sais pas encore. Je verrai en fonction de qui est au premier samedi. J'ai plutôt envie d'aller à Nanterre. Est-ce que toi, tu voulais profiter de ce moment, Vincent, pour faire quelque chose avec Librasso ou pas? Non, parce que j'en avais discuté avec elle. Là, à un moment, elle est pensée à un conférencier le 3 mars. Je l'avais renvoyé plutôt vers l'April. Et puis François Poulain m'avait dit que je lui ai transmis les coordonnées de François Poulain. Et par rapport à Libre Association, on avait décalé. Au début, elle voulait être intéressée par mettre en œuvre le questionnaire sur Nanterre. D'accord. Finalement, elle avait plutôt reporté ça à l'automne. D'accord. Elle m'avait présenté, c'était vraiment... Elle m'a pas parlé de conférence, par exemple. Donc, on est vraiment dans l'optique install-party. Hein. Oui. D'accord. C'est juste pour avoir les idées claires là-dessus. Ce qui nous empêche pas, si on veut, quand même, d'essayer. Est-ce que. On peut s'occuper rapidement, oui, d'accord. Les recontacter rapidement. Pour avoir des détails techniques. En particulier, et je pense que l'expérience des Ubuntu Party le prouve, c'est quand même. Quand même intéressant, même dans une install party, d'avoir pas forcément toute la journée en continu comme c'est le cas à l'Ubuntu Party parce que c'est beaucoup, mais d'avoir un endroit où on peut poser un vidéoprojecteur et faire une petite intervention pour expliquer un peu qu'est-ce qu'il y a philosophiquement derrière tout ça, etc. Donc, je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que c'est... Oui, alors je suis un peu comme la disposition, comme c'est une ancienne caserne de pompiers. Alors, en fait, quand tu arrives en bas, il y a une salle avec un très grand hall, pas gigantesque, mais comme il y a un très grand hall, et il y a une mezzanine où là, il y a de quoi projeter, il y a des ordinateurs, et ils font des formations des formations là-dessus, donc il y a de quoi avoir un espace, plus une cuisine, plus un espace de restauration à côté. D'accord, donc, pour les... qui veut des détails techniques, il nous faut quoi? Il nous faut pour fréquentation. Le réseau, si on a. Sachant qu'on est. Réseau électrique. C'est plus le réseau électrique parce qu'au niveau. Install party, on est réseau, quasi autonome maintenant. Maintenant qu'on a tous les hubs et tous les câbles. Il suffit d'avoir le miroir un jour la semaine d'avant et puis bon. Ou la veille et puis rouler jeunesse. Hein. Et qui transporte n'importe qui avec une voiture. Aller invocable, le fait. Oui, ça, on trouvera, pareil, dans l'appel à volontaires, on trouvera quelqu'un. Mais il faut quand même en laisser un peu la cité, si jamais on a le local, c'est le même jour. Oui, sauf que la cité, ils n'ont pas toujours, à la cité, on n'a pas toujours besoin d'Ubuntu. C'est vrai. En plus, je sais que ça démange certaines personnes d'Ubuntu FR de se faire son propre serveur PXE. Donc ce sera l'occasion pour voir eux si est-ce que c'est rentable, est-ce que ça ne l'est pas. Bon, donc voilà. De toute façon, c'est nous qui décidons. Paf. Donc, je dis fréquentation, réseau électrique. Réseau de tout court. Il faut qu'au moins qu'on ait une prise internet. Non, on n'a même pas besoin. À l'heure actuelle, on est capable de tout déployer sans prise internet. Hein. On a même pas. On peut faire une install sans prise internet. Hein. Même avec les dernières mises à jour, tu veux dire, vous mettez les... On n'aura pas les mises à jour de sécurité, je pense. C'est le seul truc sur le... Ou alors faudrait les mettre en c'est miroir. Très grave. Elles sont en miroir. Elles sont en miroir, donc on a. Ah, alors dans le cas de. Dans le cas de Debian, en tout cas, tu vas automatiquement taper sur sécurité.debian.org. On te donne pas le choix pendant l'install. Oui. Tu te dis. Oui, tu peux le forcer vous avec pas, un fsic.clg ou mettre un reverse proxy ou ouais, mettre un fantôme. Ou... Bah, sinon, ce que j'avais fait en fait pendant la dernière install party, c'est CRAD. Mais comme c'est nous qui étions serveur de HCP, donc j'annonçais notre propre serveur bind, enfin notre propre résolveur de nom, et dedans il mentait un petit peu sur la place que devait avoir fr.archive. L'idée étant d'éviter aux installeurs d'aller modifier les fichiers de conf avec des éditeurs pourris qui font peur aux gens. Et avec lequel ils vont faire des conneries par la suite. Donc on peut faire. Ceci dit, la connexion internet, c'est quand même bien pour aller consulter la doc, montrer aux gens comment marche un navigateur web. Oui. Et de tester aussi, pour voir si il y a internet ou pas. Il faudra rajouter sur Oops, il faudra rajouter les. Normalement pour la prochaine Ubuntu Party, mais ça peut être fait avant. Je dois récupérer une archive du wiki. Donc de toute la doc Ubuntu FR, avec un delta d'une semaine éventuellement, parce qu'on a, il y a eu un moment où tout le monde s'est mis à cogner sur la doc en même temps et ça s'est vu. On a une date pour ça. Pour l'Ubuntu Party. Oui, on a une date. Dernier week-end de mai. Voilà. Ce qui fait. De la même façon, ce serait peut-être bien qu'on ait les conférences qu'on a filmées. On est deux trois conférences d'ailleurs que j'ai sur mon disque dur chez moi. 29 et 30. La neutralité du net par Benjamin Bayard et enfin des trucs récurrents comme ça sur Oops. Et qu'on puisse les copier-coller sur le disque dur, sur le bureau de la personne dont on vient d'installer le PC, histoire qu'il les ait sous la main. Dans les choses qui ne coûtent pas cher. Bon, c'est spécifique à Ubuntu, mais on peut très bien aussi avoir une copie du bouquin de Didier. C'est pas fait automatiquement. Non, il faut installer un paquet. Ah si, non, pardon. Ils l'ont mis dans le Didier l'a mis dans le dernier CD. Dans la version française. Non, dans la version française du dernier CD, il l'a inclus par défaut, c'est vrai. Voilà. C'est une vidéo, oups, c'est la machine de travail. Donc les vidéos que je fais en ce moment, elles y sont par défaut. Bon, discussion, alors, donc là on a fait à peu près le tour des derniers événements, prochains événements. Discussion autour du nouveau logo. Vu le nombre de personnes qu'on est, moi ce que je vous propose sur le logo, commémoration logo. Au pluriel les logos. Hop là, oula, c'est bien. Donc ça, c'est ce qui a été fait par Thomas avec l'aide de comment Stéphanie de Nodai. Donc je peux vous trouver. Ça. Hop là, voilà. Donc qui avait fait un atelier, voilà, donc ça c'est son site web si vous voulez. Oui, c'est effectivement le même site de logo. Oui, il n'y a pas de. Il n'y a pas de miracle. Et donc l'autre personne là qui a été contactée pour le moment. Hop. J'aurais pu. Une création. Il a 14 ans et puis. C'est quoi le rapport là? Voilà, voilà le style de logo de d'Ayo. C'est Frozen Bubble, c'est Fresh PM, c'est. Voilà. C'est l'Algin aussi. Je vais regarder si je le retrouve. Ouais. L'Algin a un logo. Bah, il paraît que c'est ce qu'il avait que. Enfin. Peut-être qu'il le cache. Peut-être qu'il ferait mieux de le cacher. D'accord, oui, il n'est pas beaucoup mieux. Ah oui, c'est ça, le lion. Le lion, le pingouin et le diablotin. Oui, alors pourquoi le lion? Parce que c'est lion. C'est lion. Ah, oh là. Oula. Pathétique. Oula. D'accord. Bon, on va voir une tour Eiffel. Pathétique. Il y a dans le mail qui a été envoyé, qui lui a été envoyé, ça lui a été clairement spécifié qu'on ne voulait pas de lion, pas de tout, enfin pas de lion, pas de pingouin, pas de gnou, pas de ménagerie, quoi, pas de tour Eiffel non plus. Donc, c'est dommage. Le choix se restreint que bon l'étoile de la région elle est cool mais c'est du matériel protégé par le droit d'auteur. Puis, de toute façon comme la région va changer ou risque de changer c'est un peu risqué. Oui. Le tout petit reproche que j'ai au logo qu'on a vu jusqu'à présent, c'est qu'il n'y en a aucun qui pour moi évoque Paris. Alors la question est je trouve un peu dommage qu'on ait mis un veto sur la tour Eiffel parce que ça a beau faire cliché, il n'y a rien qui évoque Paris plus que. Si moi je mettrais la silhouette du plan du plan avec la Seine et les deux lignes, mais. Ouais. L'Arc de Triomphe. Je sais pas si. Oui, l'Arc de Triomphe. Mais la sauce Paris Nux, ça regroupe que Paris ou l'Île-de-France? C'est Paris et l'Île-de-France. En pratique, on déborde un peu. On parlait de Pierre, c'est tout. C'est Paris. En géographie, comme ça. En théorie, moi je dis pas d'étoiles. Par exemple, tout à l'heure, on parlait de LibreOffice à Pierrefitte-sur-Seine. Voilà, le groupe d'utilisateurs de Linux et de logiciels libres franciliens, donc c'est l'île de France. C'est pas une tablette graphique, là, un truc? Un stylet, Non. Bon. Mais on est ouvert à toutes les propositions. Ouais, non, mais je prends le lien. Ça, c'est un 0,7. Mais ça peut, enfin, ce qui n'a jamais été encore proposé, c'était de faire une tour Eiffel un peu stylisée ou quelque chose. Si, mais je l'ai proposé. Il y a quelqu'un qui a mis un veto. J'avais trouvé ça sur le Palais des Congrès qui utilise ça. Je l'avais aussi proposé, mais bon. Je l'avais aussi proposé. Mais stylisé et strap. C'est juste que la cible. C'est moi qui l'ai acheté. Hop là. C'est du matos d'extérieur. Dessiner Paris, la première couronne, la deuxième couronne. C'était nul, bon, c'était nul. C'était ça le. Oula. Non, c'est pas ça. Oh, j'avais cherché dans Google. Sinon, on prend le logo de la région, mais d'avant, c'était une fleur au soleil et pétale. Ah oui. Google Paris logo, un peu comme ça. C'est déjà pris par MediaWiki. Tu dis Paris, logo. Oui, non, mais j'ai pas la tour Eiffel. Non, Paris, logo, ça suffit. Le petit bateau avec la voile blanche. On récupère tous les logos de. Il y a Hôtel Paris, dis donc, qui est pas mal. Non, mais si vous voulez que vraiment. Essayez de faire quelque chose qui soit pas confidentiel, quoi. Enfin, voilà. Qui soit dans une logique d'expansion de l'Unix, quoi. Le petit bleu, là, regarde. T'as le logo du pompier, déjà, les plus léchés. Celui-ci, t'as juste la silhouette, entrée et. Oui, ça peut être une idée intéressante. C'est plus. Il me semble me rappeler que c'était. C'est un peu dérivé, non? Si on fait, oui, j'aime bien aussi le dessin de la scène. Le dessin de la scène. Si on copie un peu. Non, mais le fleuve, enfin le fleuve. Si non, mais c'est pas le cas, mais genre, le fleuve. Le fleuve, un peu comme le logo de la RATP, c'est ça là? Oui, un petit peu, oui, ça. Si on copie un concept de cette page, ce ne sera pas un produit dérivé, par le plus grand des hasards. Depuis quand est-ce que la cartographie est un produit dérivé? Les oreilles de Mickey sur la tour Eiffel, ça ne paraît pas. Oui, non. Non. Il y en a non. Oui, non. On n'est pas déjà, ça fait Mickey, donc. Regarde, le pic du tourisme qui est pas mal. Pour moi, c'est le pic de pollution le soir. Non, mais tu fais le tracé de la Seine, pour ça. Non, je veux dire, il y a. Les autres, on les reconnaît quand même, les autres. Nous, on fait le Sacré-Cœur. Hein. On fait pas de messe, toi. Alors, l'idée, ce que propose Ayo, là, pour le moment, plutôt que de réfléchir comme ça, c'est d'essayer de voir un peu qu'est-ce qu'on veut exprimer. Qu'est-ce qu'on veut exprimer, justement, voilà. C'est comme ça qu'il faut parler de l'effet. Donc. Et nous, on ne sait pas ce qu'on veut exprimer, c'est ça le problème. Bah, en fait, pour le moment, on sait très bien ce qu'on ne veut pas exprimer. Ce qui est déjà pas mal. Alors, on va prendre le problème à l'inverse. Groupe d'utilisateur de logiciel libre, ça fait des règles. Alors, je vais recommencer pour les autres. Tu fais un câble réseau qui a la forme de la scène. Ça peut être intéressant. Ah, c'est une bonne idée, ça. Le wiki, c'est clairement pas le meilleur outil pour ce genre de. C'est un outil de mind mapping, mais c'est pas mal. Donc, vous l'avez dit, groupe. Groupe utilisateur logiciel libre, Paris-Île-de-France. Donc, essayez de trouver ensuite les choses qui peuvent aller avec. Donc, bien sûr, faut quand même pas se limiter dans les choses représentatives, on a dit. Donc, Tour Eiffel, mine de rien. Et puis, on avait dit scène ou câble réseau. Tour Eiffel. C'est vrai que le câble réseau peut vachement bien utiliser. Il en faudra un deuxième pour refaire la marde. Il faut laisser le connecteur à un endroit pour comprendre ce que c'est. Et surtout que la devise de Paris, c'est faire un coup de doigt pour tout. Ils ont quand même utilisé ça. La confiance. Et on n'avait pas fait un brainstorming sur des devises On avait fait un truc sur. Oui, il y avait eu un travail qui avait été. L'idée de faire des devises roulantes. Il est quelque part. Mais en même temps, c'est pas. Il n'était pas ressorti. Il n'y avait pas quelque chose de fondamental qu'on était ressorti de mémoire. En fait, ceci dit, le designer fait un peu ce oui, non, mais on va. Enfin, ça fait partie des choses que je comptais lui refournir. La designer, c'est ça. Les designers. Parce que je veux dire qu'on peut. Le bout de crash. Les directions vous donnent plus de dynamique. Pourquoi je participerai à ces histoires de logo dans la mesure Moi non plus, je ne souhaite pas. Oui, enfin, c'est toujours des trucs où ça troll dans tous les sens. Le problème, c'est qu'on... C'est vrai que les tendances, le premier logo, c'était plutôt un logo typographique. C'était que tu joues sur la typo. Voilà, c'était les... Et là, tu as un logo plus figuratif avec une image. Et donc, la première version était de typographique, ce qui est... Globalement, c'est des variations typographiques, éventuellement un petit élément supplémentaire, mais... Bon, ce que j'allais dire, c'est une méchanceté, mais quelle couleur on peut rire, des couleurs chaudes, couleurs froides, on fait du gris, on fait du vert sur fond noir, on fait du... On fait plusieurs couleurs, et puis voilà, et puis on fait plusieurs rouge et bleu, couleurs. Et puis c'est bon. Rouge et bleu, ça me paraît le plus logique. Rouge et bleu, c'est quand même ce qui rappelle effectivement Paris, après on peut dire ce qu'on veut dessus, mais... Tant qu'à avoir une identité visuelle forte, autant reprendre celle-là. Hein, le logo actuel. C'était drôle il y a 10 ans. Ah ouais, d'accord. C'était drôle il y a 10 ans, ça ne l'est plus du tout. On a mûri. À mon avis, c'est plus porteur comme. C'est plus du tout porteur comme. Ah, ça donne une image un peu vieillotte de l'association. Et du logiciel libre, plus grave. Oui. Tout le monde faisait du rôle à l'heure. Mais tout le monde fait encore du roller. Maintenant, on n'imagine plus un pingouin obèse en train de faire du roller. Et puis, il y a aussi les logos, d'une façon générale, se sont abstractifiés. Enfin, il me semble qu'il y a plus des... On est plus dans ils les sont, sens oui, que... ils se sont épurés. On est plus dans la légèreté. Mais ça, c'est, je pense que c'est des histoires de mode aussi. Je pense que si on attend suffisamment longtemps, on aura à nouveau des si on attend suffisamment longtemps avec le même logo, il va finir par revenir à la mode. Hein. ce qui est amusant, c'est la variation. Par exemple, le lion de Peugeot, tu le vois sur 50 ans. Alors, au début, il était très, c'était une vraie sculpture, petit à petit. Mais Renault, c'est un peu l'inverse. Hein. Dans les années 70, il était sous forme de traits, maintenant il est sous forme, il est plein. Et, Oui, oui, il y a des. Nissan aussi, des ça a beaucoup bougé, il y a tous. Hein, bien sûr. Il y a que Mercedes qui bouge pas. Il faut des logos assez brefs, qui peuvent être reconnus au niveau international. C'est un peu cette idée-là. Voilà. Avec le nom Paris Mix, on est déjà international. On est déjà international, vu qu'il y en a qui viennent hors de Paris. Hein? Qui viennent se promener dans le Louvre. Non, c'est pas ça. Donc, de toute façon, ça, on va resoumettre ça sur le... Moi, j'avoue que quand on est peu, c'est pas là où on est le plus créatif. Dernier point, c'était s'il y avait des propositions de membres. Juste avant de partir, il y a Théocrite, qui est maintenant membre de Paranux. Qui demandait si c'était pertinent de faire la même chose que ce qui avait été fait à Chutinus sur pour la campagne des régionales. Ah oui. Qu'est-ce qui a été fait à Chutinus pour la campagne des régionales? Donc Chutinus a fait un cahier. On peut aller voir sur leur site web d'ailleurs. Un cahier logiciel libre à destination des élus. Tiens, on trouve exactement les mêmes choses. C'est du Drupal. Le siège de l'appui est à Paris, je me demande si c'est vraiment pertinent. D'accord. L'April, et le siège de l'April. C'est à Paris. Voilà. Ça fait un peu de bloc. Voilà. A priori, non. Enfin, je vois pas en quoi il y a Edmond. Mais enfin, il y a eu des années où ça a été développé. Ça, c'est le problème de l'April. Alors, donc il y a d'un côté la campagne candidat.fr, c'est la campagne de l'April, qui a priori là sur cette. C'est toujours aussi à jour. C'était censé être mis à jour en début de semaine. Si régional. Oui, l'après-midi, c'est le début de semaine. Ah, ça, c'est le début de la semaine de Belgique. Hein, donc, quand même pas... La fin de la semaine, ça commence samedi. Alors, Disons que là, il y a autant pour les présidentielles, donc c'était quelque chose qui était entièrement piloté par, par la prime. Pour les législatives, pour certains députés ultra connus, c'était géré par Alix Cazenave. Globalement, la volonté de cette initiative, c'est que ce soit quelque chose dont les gens localement s'emparent. C'est pas quelque chose qui vient d'en haut, qui est piloté par les grands pontes d'en haut. Donc c'est quelque chose sur lequel il faut aller sur le terrain. C'est-à-dire qu'on se présente non plus comme, comme une émanation à prime, ce n'est pas d'ailleurs, mais comme le groupe du coin. Voilà, c'est avant tout, nous, groupe d'utilisateurs Paris-Île-de-France, on veut savoir ce que vous faites pour... Des locaux. Pour le logiciel libre. Est-ce que c'est... je ne sais pas, est-ce qu'on prépare les données de manière inverse, ben, on s'adresse aux citoyens en disant nous allons lire les programmes et les sites des candidats et nous allons lister ceux qui parlent du logiciel libre ou non. Ben, de dire on ne s'adresse pas aux élus, pas aux futurs élus, mais on dit de notre, enfin, sur telle thématique. C'est un peu suicidaire. Représente 1,5% des utilisations publiques. Oui, dans l'image du public. Non, mais c'est toujours intéressant de voir si les gens parlent spontanément. Enfin, on ne sait rien. Bah, si on leur pose la question sur la fin, est-ce que vous êtes prêts à ne pas payer vos logiciels, ils vont dire oui. Non, mais enfin bon, publier une analyse des programmes, c'est quelque chose. Si on, bon, le problème c'est qu'il faut faire tous les candidats pour pas se, comme ça, on rentre pas dans le jeu de la politique partisane. Hein, si on en fait que un, c'est pas honnête. Alors là, il y a un problème, c'est que tu vas contacter tous les hommes politiques. Il y en a un qui va te répondre. Et dans ce cas-là, tu fais quoi? Tu peux lui une analyse. Mais ils ne sont pas censés tous faire les sites web, des trucs comme ça? Non. C'est la bande. Ouais. On n'en sait rien, mais il y a deux choses. Il y a d'abord. Valérie Pécresse, Île-de-France, tu es sûr qu'elle a un site web? Oui, elle a un site web, oui. Ouais, il y a des choses qui sont marquées dessus. Puis bon, elle a des conseillers, des gens qui écrivent ses discours. Et au bout d'un moment, ça se voit, quoi. Les gens, tu leur poses des questions techniques, et puis sur le terrain, bon. C'est... Oui, bon, ensuite, il y a l'art de doubler, et puis c'est fini. Oui, il y a des faits. Bon, après, disons qu'il était déjà en campagne, donc je pense que ça a participé au financement, mais le fait que la région ait hébergé et accueilli Mozilla pour les 5 ans de Firefox, c'est pas complètement anodin. Même si le discours de Jean-Paul Auchon était écrit par un conseiller technique bien au fait, c'est normal. Ce qui est normal, mais c'est quand même lui qui l'a prononcé, c'est quand même lui qui a fourni les locaux, c'est quand même lui qui... Donc tu peux pas dire qu'il n'y a pas un acte de quelqu'un dans la direction en faveur du logiciel libre. Parce que bon, derrière, il n'y a pas que ça. Moi, j'ai pas écouté tout son discours, mais son discours est repris dans les documentations. Mais son discours est repris. Cette année, mais l'année dernière, son discours est repris par ailleurs. Il y a des faits concrets. J'en citerai qu'un parmi tant d'autres. La fourniture à tous les nouveaux élèves entrant au lycée d'une clé USB contenant une sélection de logiciels libres. En fait, c'est une Framaki aux couleurs de la région. Bon, c'est des investissements en faveur du logiciel libre qu'on ne peut pas nier. Pareil, le dernier en date qui est Lily, qui est donc un ENT, espace numérique de travail. Donc un bordel en... Il s'appelle comment ? Lily. C'est quoi ? Mignon, hein ? Oui. Non, mais ils aiment bien les trucs mignons comme ça. Donc qui est un bazar web en ligne... qui est censé faire apprendre mieux Non, c'est pour le c'est en fait c'est pour favoriser les interactions entre les enseignants et les enseignés. Oh purée, tout un programme. Hein. Voilà. On refait le monde là. À mon avis, c'est fondamentalement un échec, mais bon, voilà. Lily. Pourquoi fondamentalement je peux. Très visuellement un échec. Donc là on est quand même en phase 2. Alors. Voilà. Ah, c'est des lycées. Voilà, le NT des lycées, pardon. Donc, sur lequel on trouve, voilà, l'île libre, hop, principe. Donc là, donc ça, c'est un truc qui est entièrement financé par l'Île-de-France. Et donc, le premier paragraphe, pour son NT, l'Île-de-France a fait le choix technique d'un développement logiciel libre. Ah, c'est bien quand même. Donc, j'ai fait trois clics sur pour trouver cette information. Donc là, on est en face de faits concrets qui disent que, à l'heure actuelle, voilà, le précédent conseil général a fait ça. Donc c'est le type d'information qu'on pourrait effectivement faire remonter. Ensuite, éplucher les programmes, je pense qu'on les recevra tardivement. Oui, la veille. Généralement la veille, ouais, c'est ça. Non, c'était juste comme ça. On peut les trouver sur les sites des On peut essayer de les chercher sur les façades. C'est 14 et 21, c'est ça les élections de facteurs. Ensuite, concrètement, pour ceux qui veulent participer à Candidat FR, tout simplement, c'est libre à tout le monde. Il suffit sur un marché, quand on rencontre un candidat, de lui proposer des deals assez obscurs, du genre « je te prends ton tract si tu me signes mon pacte ». Non, faut qu'il y ait un marché à Candidat. Dernière chose, l'April est en train de faire un petit bouquin. Ça suppose que le candidat puisse réfléchir par lui-même ce qu'il a voulu. Oui. Puisqu'il a juré fidélité au grand chef. Oui, ça marche que pour les candidats qui ne jurent pas fidélité au grand chef. Voilà. Mmh. Enfin, sur des régionales, il n'y en a pas beaucoup. Bon. Bon, il ne voit pas d'ailleurs. Donc, dernier truc pour ceux qui ne l'ont pas vu à l'AG de l'April, c'est le catalogue 25 logiciels libres. Voilà. Donc, François m'en a passé une copie là pour que vous puissiez la voir. Je le fais passer après. A priori, on se dirige vers un. Donc, l'April a besoin de. Ça va être présenté à l'occasion du salon Solutions Linux de nouveau. L'April a besoin pour lancer ce projet d'un petit coup de pouce d'acheteurs. En gros, il y a un nombre de minimum de commandes à avoir pour que ça. C'est-à-dire qu'au niveau de l'April, pour que ça commence à être rentable, il faut en commander entre 1500 et 2000. Enfin, si je me souviens bien des deux. Un peu dans Linux, comment nos donc, l'idée de Thomas était de partir sur une base d'une commande de 500 exemplaires, avec éventuellement une option en disant. On en recommande si besoin. Et puis l'idée c'était d'en offrir un à tous les membres de Parinux. Une centaine donc. Donc ça en fait une centaine, donc ça fait. Oui, il en reste 400 qu'on vendrait sur des événements. Alors, sur des questions. Prix unitaire, prix de vente. Alors, prix unitaire d'achat de ce truc-là. D'après les derniers devis, mais c'est sous réserve, puisqu'on est en train de changer nos plans là, ce serait entre 1,50€, enfin 1 euro pardon, à l'achat. D'accord. Entre de par Linux à l'April. Peut-être 1,20€ parce qu'on va changer, on va peut-être prendre une couverture un peu plus épaisse, mais c'est dans ces eaux-là. Le prix de vente serait de 2 euros, quelque chose comme ça. 2 euros, c'est très bien. Voilà, l'idée c'est que faut pas que ce soit gratuit parce que ça perd, enfin, dans, dans le, l'esprit du public, ça a tendance à perdre, de la valeur. C'est aussi pour ça qu'on risque certainement de changer la couverture. On se s'est rendu compte avec cette épreuve là que la graphée. Ça c'est un prototype, c'est fait à l'arrache. Hein. Mais que la graphée ça va pas du tout. Donc on va peut-être aller vers du dos collé. Donc c'est. Il manque des joues du coup. Il n'y a pas un numéro ISBN ou truc comme ça pour, Si, il aura, on va s'occuper de tout ça. Non, si tu veux. Éducation, effectivement, il manque les jeux. Ah oui, non, il faut des jeux. Non, ouais, ils ont été volontairement virés. On a volontairement rien mis comme jeu parce que y en a trop peu qui sont vraiment intéressants. Par contre, il y a plus grave, là, je m'en suis rendu compte, aujourd'hui, on n'a pas mis du tout d'antivirus libre, et ça, c'est un peu dommage. Donc, je vais voir si on peut faire un patch rapidement, mais de toute façon, il y aura une V1, il y aura une V2. L'antivirus, c'est pas destiné au grand public, de toute façon, alors tu vois pas en quoi c'était... Il y en a un sur les Windows, hein. Ça sécurise quoi, je veux dire, ça sécurise, je veux dire, ça rassure, je veux dire, ça rassure, voilà. Si on ça bon. Rassure pas, l'idée, public, ouais. Ça dépayse pas, on va dire. Ça les dépayse pas, plutôt, ouais, c'est ça. À mon avis, c'est pas utile. L'idée pour nous, c'est pas, enfin, c'est aussi d'avoir sur des événements type Fête de l'Huma ou même... un truc comme Nanterre où bon les gens sont pas forcément prêts à faire le grand pas, de leur dire bah voilà, forum des assos, etc., d'avoir un document un peu sérieux, un truc et puis qui soit contrôlé. J'ai bien aimé celui de Landinus, c'est une super idée. Landinus, c'est suite à celui de Landinus qui avait un certain nombre de problèmes à notre, enfin, par rapport à une utilisation par la prise, c'est-à-dire que c'était l'œuvre de gens autour de justement de Landinus. C'était financé par le Conseil Général des Landes sur une quantité limitée, donc on savait très bien qu'après on n'en aurait plus, quoi. Quand les livrets Landinus sont épuisés, ils sont épuisés. Alors que là, ça va être une production qui va être entièrement sous contrôle de l'April. On est en train... enfin bon, on a ouais, des... C'est une bonne idée, ouais. Donc voilà. Donc a priori, tout le monde se met d'accord sur une commande de 500. Moi, ça me semble assez raisonnable. Peut-être même à peine aussi. On verra en recommandé, mais voilà. C'est pas comme si c'était des gens qu'on connaissait. Donc si on en prend 500, ça fait 1000. Ouais. Sachant que j'avais fait un rapide calcul, même en en donnant un à tous les membres de Parinux. C'est symbolique, mais c'est bien. Oui, mais c'est une idée de Thomas, ça, qui me... D'ailleurs, Patch a rajouté un machin, prix de vente conseillé. Oui, mais ça, je le note dans ma tête pour... je vais le remonter, je vais taper sur François ce soir. Comme ça, tout le monde est à la même enseigne. Tout le monde est oui, non, mais on est en train de réfléchir à comment on va le distribuer auprès des gules. Enfin, on a plusieurs options. Il faut que j'envoie un mail. Donc voilà, est-ce que vous avez autre chose Il y a un prototype sur le site de l'April à l'heure actuelle ou pas? Oui. Il est téléchargeable. Tu peux en avoir une version, donc là, hop là. Tac. Faut que je tape sur François. Il s'appelle comment, livre et le titre? Je peux vous envoyer le... Je peux... Hop. Viens voir ici. Je vais t'envoyer le lien direct, en fait. Son titre. 25. 25. Ouais, mais alors à l'April, tu le trouveras sous le nom Catalibre, en fait. Le nom de code interne à l'April, c'est Catalibre. D'accord. Voilà. Catalibre. Donc, hop. Normalement, la dernière version à jour, c'est celle-ci. Je vais mettre le lien. Pas que ce soit le nom final. Non, non, Catalib ne sera pas. Le nom final, c'est 25 logiciels libres à découvrir. Hein. Ça, c'est le titre définitif. Le nom d'interne. Voilà, Catalib, c'est entre nous, parce que 25 logiciels libres à découvrir. Non, ça manquait terriblement, ça ne s'est pas aidé. Non, A priori, dans les gens qui seraient à l'acheteur, dans un truc comme ça, il y a Ubuntu FR aussi qui s'est porté. Enfin, qui est intéressé. Et, Bah, aussi, il va y avoir d'autres GUL. Donc, oui, je pense. Oui, au Bosch Linux, des gens comme ça. Des gens proches de l'April, quoi, pour démarrer, mais ce sera pas mal. Donc, non, c'est génial. Et les GUL qui ne sont pas de France, mais qui sont francophones aussi. Voire en Suisse ou... Bah si tu te fais la musique, tu les connais. Si tu les connais, on est toujours preneur. Ah oui, je ne sais pas quoi. Je demandais à quelqu'un, mais bon, je suis pas sûr. De toute façon, le texte dit que le tout est sous licence. Le tout sera sous licence Creative Commons by SA ou sous Art Libre, qui sont les deux licences du groupe de travail sensibilisation. Donc, traduction disponible. Pas de GADF. Il y a, compte tenu des gens qui ont contribué à ça, il y a plus de chances que ce soit sous licence Art Libre que sous CC by SA. Okay. Avec exception pour les logos inclus. Est-ce que pour la presse, par exemple, quand on a des manifestations, d'avoir des documents comme ça, c'est vraiment fondamental. Oui, non, c'est... C'est pratique. Voilà, est-ce qu'il y a des gens qui ont des choses à rajouter ou pas? Le contenu, la réponse qu'a fait Théo au formulaire est passée en modération sur la liste admin. Du coup, j'ai pu lire le contenu et à un moment donné, il dit que le contenu du mail qu'on envoie à quelqu'un qui vient d'adhérer lui semble insuffisant pour lui permettre d'en faire plus au sein de l'association. Oui, oui. Alors c'est moi qui ai demandé à Théo, je crois que c'est moi qui ai demandé à Théo de remettre son mail sur de renvoyer le mail qu'il avait reçu sur admin ou. Ah bon, c'est pas lui qui l'a envoyé. Enfin bon, pas importe. Et pendant l'AG, j'ai fait une présentation du site web où, visiblement, il y a des gens qui étaient surpris d'apprendre qu'ils avaient un nom d'utilisateur et un mot de passe au sein de Parinux. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas revoir le contenu du mail qu'ils ont envoyé aux nouveaux adhérents, à tous les adhérents lors de leur réadhésion, ouais, ou tous les mois? J'ai passé... J'ai passé 2 heures dans ma journée d'hier à découvrir un peu d'Olibar. J'avoue que dans ces 2 heures, j'ai découvert des tas de choses intéressantes. Je n'ai pas trouvé où se situait ce fichu mail qui est envoyé à tous les adhérents. Donc, je pense que c'est que je n'ai pas assez bien cherché. Enfin, Laurent est disponible sous la main. Oui. C'est facilement mail. Oui, oui, c'est juste que j'en ai au bout de 2 heures sur Dolibar, j'en avais un peu marre, j'avais 25 autres trucs à faire, donc j'ai passé la main, mais ça reste. Hein, quoi? Copie, trouvé. Ah oui. Oui, entre autres. C'est les copies de maths, est-ce qu'on arrive vachement vite? Ouais, ça dépend. C'est bon ou mauvais? Ouais. Donc des fois, il faut avoir un script pour nous montrer de quoi noter les paires. Voilà, il faut avoir ta photocopieuse sous la main. Hop, un scanner. Alors. Mais c'est toujours plus rapide à corriger que des copies de français. Pas forcément. Ouais, bah top. Alors là. Ça dépend de quelle copie de français. Déjà, il faut déchiffrer les phrases. On voit que les maths aussi, hein. Copie de maths aussi. Moi, j'avais un prof, il comprenait pas, il comprenait même pas l'écriture, c'était zéro. Ouais. Donc le mail a modifié, c'est OK. C'est un 17. Je reviens par la solution Linux, si on apporte du matériel, on l'apporte à la veille quand même. Bon, là, tu prends les tout. Non, parce que. Non, je ne prendrai pas avec moi, je ne prends plus rien. Parce que ce sera dans un hall et qu'il n'y a pas de remise, il n'y a pas de coffre, il n'y a rien. D'accord, donc on fera les installations le matin. Donc si tu apportes quelque chose. Non, je l'apporte. Tu peux l'apporter tous les matins. Et il est conseillé de repartir avec le soir. Plutôt. De l'amovible. Transporter. Et ne pas laisser les ordinateurs même avec un antivol. Ni l'antivol ni sur le. Oui. Ça retarde. Après, ça dépend où est-ce que tu mets ton antivol. C'est-à-dire que si tu le mets sur le pied d'une chaise, c'est pas très très efficace. Si tu le mets autour de ce poteau-là, ça devient déjà nettement plus efficace. A priori, dans un hall d'expo, on n'est pas toujours suréquipé en poteau. Mais bon, on dépasse un vélo, ça coupe les câbles. Juste deux choses, vous m'avez dit à propos de. Vous alliez avoir un nouveau serveur, c'est ça? Alors. On a migré. On a migré, ouais. Ça va prendre. Je t'en ai parlé rapidement, ça va pas être immédiat, hein, parce qu'il faut qu'on le réinstalle, faut que. Donc on a enfin migré. Enfin, Emmanuel. Pour être juste à enfin migré les listes de diffusion. Sur une de nos autres machines. C'est le mois prochain, donc ça va pas solution Linux, c'est ça que tu vas. Donc aujourd'hui, il ne tourne que sur Troll 3 que des services historiques, à savoir le MediaWiki et l'ancien site web de Paris Linux. Quand je dis l'ancien, c'est pas le site clone, c'est le site qu'on avait avant sur Codium. Voilà. D'accord, ok. Non, je dis pas. moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on. La décision que, enfin, c'est que quelqu'un annonce aux adhérents que dans un mois, ces services-là, ils dégagent, et que s'il y a du contenu, soit sur l'ancien site web, soit sur le MediaWiki qu'ils veulent absolument garder, il faut le mettre sur le site web actuel ou sur le wiki actuel. C'était repris, je crois que j'ai fait. On peut voir l'ancien site web, il est accessible, l'ancien. Archive.parisexport. Prépare-toi à un choc. C'est accessible, ouais. Ouais. C'est accessible. C'est ça le choc. Est-ce que. Attends, c'est important pour l'historique du web de voir ces archives. Pour dire, attends, tes petits enfants. Emmanuel, concrètement, est-ce que c'est pire que WML ou pas? Ah non, c'est. Moi aussi, moi je me souviens que c'était les pages bleues foncées là. Ouais, parce que c'était violet. C'est violet, ouais. C'est une mauvaise. J'ai connu Linux avec ça, moi, c'est important. C'est pas du PHP, c'est autre chose. C'est du Pyke. Memoriam. Ça ressemble à du PHP, ça a l'odeur du PHP. C'est pire que le PHP. C'est pire. On peut faire pire que le PHP. Oui. Je confirme. Non mais envoyez ce message, mais faites juste avant un message pour dire allez consulter pour les grands anciens. Je crois. Donc toujours est-il que dans un mois j'aimerais zapper ça y est, il est là, ces services. C'est de ça qu'on parle. Voilà, exactement. Voilà. J'ai toujours une petite nostalgie. Archive sans S peut-être. Oui. Pour enlever le S. Ah oui. Peut-être. Non, ce qui me sidère, c'est que Archive avec un S fonctionne dans ce cas-là. Non, oh. Il n'y a plus rien qui fonctionne. Voilà. Ah oui, c'était une redirection dans la copie Gapache qui a sauté. Oui, je crois qu'on avait fait les deux et puis au bout d'un moment, on a arrêté. T'as fait un peu de ménage un peu violent. J'ai le logo, c'était ça. Ah. Puis on était fiers, hein, il y avait deux fois. Et quand on voulait modifier le site web, on faisait un SSH sur le serveur et on modifiait le HTML à la main. Ouais, c'était à peu près comme c'était moins pire que WML parce que WML tu faisais ton fichier dans une syntaxe complètement fronce, tu envoyais ça vers un dépôt subversion et t'attendais, ensuite il fallait que t'envoies une commande au serveur en disant recompile-moi ce que je viens de mettre dans le dossier de subversion. Yes. Non mais T'as aussi des piles. Il y avait des endroits où t'avais aussi des packs. Bon. Il y a tout de même une catégorie roller et rando. Donc toujours est-il que j'aimerais qu'on annonce aux adhérents que dans un mois ça va ajouter. Mais qu'ils ne connaissent doute, même oui. pas. Mais plus tu connais, moins tu t'en doutes. Toujours est-il qu'il faudrait leur donner un mois de battement. Solution Linux se termine le 18. Moi j'ai pris la journée du 19 en congé pour récupérer. Et je me propose de faire ce que j'ai fait, il me semble que c'était l'année dernière, entre les deux. Profiter de ma journée de congé pour aller à Energy Park, qui est le data center dans lequel on a nos trois machines. Courbevoie. À Courbevoie, c'est ça. C'est à Courbevoie, oui. Courbevoie. Mais le truc s'appelle Energy Park. Parce qu'il y en a plus, non, il y en a plusieurs à Courbevoie. Que je prenne les trois disques durs qu'il y a à l'intérieur de Troll 3, que je les remplace par un disque dur qui fait la taille des deux autres, des trois réunis, et qu'on réinstalle une de bien propre. Et que tu testes aussi ça. Si le BIOS dit bien qu'il y a un disque dur. Pardon ? Que ? Il y avait des problèmes carrément de IDE, si je me souviens bien. Oui. Ça peut venir du disque comme ça peut venir du contrôleur IDE, de la carte. Avec absolument. Ça. Okay. On peut avoir des mauvaises surprises. Donc voilà. Et après, on se retrouverait avec une nouvelle machine dont je ne sais pas très bien ce qu'on ferait avec, mais je suis sûr qu'on va trouver. Eh bien, on pourrait faire un support de démonstration pour les associations. Par exemple. Oui, c'était un projet qui traînait. Enfin, normalement, ça aurait dû être Troll 4 et quand on a. Quand on a eu les problèmes de Troll 3, on a commencé à dispatcher tous les services. Est-ce que ça serait bien d'avoir non seulement une brochure papier, mais avoir un serveur avec des applications que l'on pourrait montrer. Oui, tout à fait. Et essayer avec des démos. Et uniquement des démonstrations, on ne ferait pas de l'hébergement. Ah non. Non, je pousse moins les deux objets. Non, tu pousses moins la brochure là. Moi, vous pouvez vous en servir même pour le premier mail dès la réinscription. Parce que même moi, j'étais un peu. J'ai reçu plein de listings affolants. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est tout ça? Je ne me sentais pas concerné du tout. Donc, j'ai un peu mis en stand-by. Enfin, ça, il y a fait deux mois, je me suis inscrit. Oui. Et voilà, en fait, j'aurais dû venir déjà au resto, au bon pêcheur. Bon, voilà, je ne sais plus. Oui, il y a plus c'est pas, ce n'est pas obligatoire. Des trucs, des mails, je ne me sentais pas concerné. J'étais, ça quoi, pour par exemple oh là, j'en ai. C'est dans les listes de diffusion, c'était dans quoi? Ouais, c'est ça, oui. Depuis là, je me suis bien inscrit. Il n'y a pas grand-chose pourtant comme ça que la seule info. Ces derniers temps, sur le logo, ça a beaucoup. Ça a beaucoup mêlé dans les sens. Oui, il y en a eu pas mal, mais c'est pas une question de fond. Mm-hmm. Oui, mais c'est justement auquel j'ai rien. Les derniers, j'ai rien compris parce qu'un tel répond ah, oui, le mieux, le quatrième, le troisième, tu sais pas où est la page, comment elle est déroulée, etc. Il faut au moins mettre un numéro ou une autre. Des cases, les logos dans les cases, pour les repérer. Si on demande notre avis, qu'on puisse le dire. Ouais, tu fais quoi? Ah oui, pour. La question sur la liste d'Anna Vaughan sur OpenID, moi, m'intéresse. Mais bon, ça ne sent peut-être pas dans le cadre de Parinux. C'est vrai que c'est une. Une technologie, enfin, je sais pas ce qu'elle vaut, mais justement, je pense que ça m'intéresserait de faire. Moi, j'avais interpellé la réponse qui a été donnée, moi je croyais que c'était la solution, ce truc-là. OpenID, ça sert strictement à rien sur Internet. Hein. Ah ouais? Il y a un pouillem de sites qui utilisent encore. Le plus gros site à ma connaissance qui utilise du OpenID, c'est. Legendre? Non, c'est Ubuntu.com. Ils passent en single sign-on. Ils utilisent OpenID pour faire du single sign-on. Mais pour moi, c'est plus un truc pour intranet. Mais le problème, en fait, le problème d'une techno comme OpenID, c'est qu'elle est réservée au web. Et donc dès que tu as des applis, dès que tu veux t'authentifier avec un jabber, donc un serveur de messagerie instantanée sur du mail ou des choses comme ça, ton OpenID, tu te... voilà. Archive. Je cherche les archives de la liste. Une idée de conférence pour le mois de mai, s'il vous plaît. Ça va être en mort, là. Ouais. C'est quoi la prochaine conférence d'ailleurs, tiens? Mozilla, hein, Julia Buchner. Ouais. Et ensuite Ensuite on a le téléphone, Son, avec Jabber aussi. Ouais. Ensuite, on ne sait pas, c'est la conférence qu'on vous pour laquelle on vous demande votre avis. Et celle du juin, on a. Et juin, c'est. Des petits objets marrants sous Linux. En fait, c'est Linux. Alors, pour Pierre Lagrange, c'est Linux partout sauf sur le poste de travail. Et pour moi, c'est surtout Linux dans le salon. D'accord. Enfin, bon, titre, à définir, voilà. Titre à définir, mais bon, c'est autre coordinateur. Enfin, on va s'entretuer, le survivant choisira le titre de la conférence. On va éteindre la lumière ou... D'accord. À Linux, en fait, ça nous. Dès que tu as un Sony, tu as Linux. J'imagine que j'ai du Sony dans ma télé. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire comme. Il y a des gens qui proposent du firmware alternatif pour les télé Samsung. Non, mais... basé sur des noyaux Linux. Donc ce serait plutôt une conférence un peu technique en mai, c'est ça qu'on cherche. On va essayer de vraiment faire grand public et... Au mois de mai. Je ne sais pas à quel point. Ah. Mois de mai, je parle. Puisque si on veut respecter l'alternance conférence technique, conférence pas trop technique. Oui, enfin bon, on a de l'avance dans les techniques, on est libre en fait. Ouais. Comme oui, ça on n'est pas obligé de. Comme ça vient. On a fait plus de nombreux, c'est pas grave ça. Peut-être contacter OpenOffice, Sophie Gauthier, Jean Lapulle. Pour dire. Pour OpenOffice, mais il n'y a personne à prendre chez OpenOffice. Non, c'est plus. Il faudrait quelque chose de plus pointu que. OpenOffice, on n'a pas assez de temps ou trop, enfin, je pense. D'accord. J'avais repensé à Medintux, parce que je suis allé voir récemment le truc qui est plus petit. Et il a abandonné? Celui de Marseille aussi. Moi, je vous aurais bien reproposé la tech, mais on l'a déjà eu il y a 2 ans. Il y avait eu du monde, je me souviens plus. Il me semble que oui. Je crois qu'il y avait eu du monde. Enfin, chaque des ateliers. Je crois que les ateliers ont toujours été pleins, mais les conférences, je ne sais plus. Oui, il y avait. Si la tech, ça avait fait. Oui, il y avait du monde. La tech, ça draine tous les étudiants. Il faut taper dans les doctorants. Et les CUS, les doctorants, et ça draine du monde. Et c'est toujours enseigné. Donc, si on diffuse dans les universités, c'est pas. Il y avait quelques ingénieurs aussi. C'est obligatoire déjà la tech. Un certain niveau. Mais il y a des endroits où c'est obligatoire. Non, ça devrait être obligatoire partout. Des lycées. Ouais. Et la maternelle. Non, la maternelle, tu leur apprends à taper avec leur niveau. Autre chose que je dis. Bon, sur ce, on a fait à peu près le tour de ce que. Donc, voilà. On peut avoir une relecture dès demain ou pas? Non, on peut. Je voulais en fait l'envoyer dès maintenant, mais j'arrive pas à me connecter à mon webmail. Donc, Non, mais c'est pas ça, mais c'est parce que j'ai pas tout noté. Tu peux aller sur compte rendu normalement, compte rendu index. Tu vas sur compte rendu index et tout en bas là, t'as le dernier lien. Ouais. Écoute, 2010-017, donc c'est la réunion d'aujourd'hui. Oui, oui, et, non, et j'ai mis les liens vers toutes les pages que j'ai créées et modifiées aujourd'hui. D'accord, donc comme ça tu auras. J'ai un cours privé là. Tu as vu mon dernier rapport de bug, Emmanuel, tiens? Oui. Honnêtement, j'ai pas eu le temps de m'occuper du site web ces derniers temps. Mais tu as une solution en tête? Maintenant qu'on a migré, je vais pouvoir regarder quelles sont les solutions. Parce que rapidement, j'ai pas trouvé de solution simple, en fait. Moi non plus. Il me semble que c'était par défaut dans Drupal 5 et que quand on est passé à Drupal 6, on a perdu tout un tas de trucs dans ce truc-là. D'accord. Bon. Donc c'est peut-être juste cocher une case pour réactiver une fonction que j'ai désactivée par accident. On ne peut pas avoir un index sur le site, ne serait-ce que ça, on n'a pas de moteur, on n'a pas d'index, on manque de tout. C'est ça dont... Le béaba de WebMed. Qu'est-ce que c'est qu'un index? La liste des mots, un plan du site, un nombre de mots les utilités qu'on débute. Un nuage de tags. C'est pas vraiment le tag, c'est... Un nuage de catégorie. Oui, ça serait plus élégant d'avoir ça, mais moi je n'osais pas le demander. Ça fait partie de ce que vous projetez. Oui, la question d'installer... D'accord, bon, mais je le ferai alors. Donc une fois que tu as créé ça, donc, là tu as tous tes contacts de Jabber qui s'est fait déjà. Chez moi j'ai 4 ou 5 serveurs. Je vais dire mon souci parce que j'ose pas trop une fois. J'ai un souci. Si je me connecte chez mon je ne sais pas comment me connecter aussi sur Paris. C'était cool, mais c'est... Non, c'est tout à fait. Alors, c'est bon. Quand tu dis... Par exemple, l'avoir dans un coin. Bah, alors, du coup, j'avais trouvé la solution. Je prends le caching Une commande extender pour éteindre juste l'écran externe.